pouvoir tout puissant. À la pensée d'un autre, il serre les dents. Il passe des curieux et des indifférents au destin malheureux de l'homme qui attend. D'une chambre muette, oserait-il grimper à la fenêtre ouverte? La tête à la malchance, le dos collé au mur. Dans cette souffrance, il commande au murmure. Jean de nuit qui venait d'abandonner le nid, éloignez-vous vite de l'homme qui attend. De même que les ogres mangent les petites filles, l'espoir ronge les os de l'homme qui attend. L'espoir ronge les os de l'homme qui attend.